Canadien debout pour le combat, va reconquérir ton Canada. Des tyrans inhumains qui dominent sur lui, juifs et maçons sans cœur embusqués dans la nuit. Dévoile les complots et lève ton flambeau, l'érable et le castor, emblème du drapeau. Ton passé glorieux, la croix de ton clocher, t'impose de proclamer serviam, je servirai. Je servirai le chef, l'ordre et l'autorité, car obéir au bien, voilà la liberté. Plus d'esprit de parti, mais pour tout l'unité. Bâtissons le présent sur le roc du passé. Ensemble, levons-nous, marquons notre destin. Réalisons l'union du peuple canadien. Serviam, Canadien, debout pour le combat. Va reconquérir ton Canada. Des tyrans inhumains qui dominent sur lui, juifs et maçons sans cœur embusqués dans la nuit. Dévoile les complots et lève ton flambeau. L'érable et le castor, emblème du drapeau. Ton passé glorieux, la croix de ton clocher, ta peau de proclamer, serviam, je servirai. Canada, mon pays, tu verras comme hier, tes époux courageux faire honneur au devoir. Où gazouilleux les belles grandira le foyer. Tes descendants naîtront nombreux, riches d'espoir. Les enfants de ton sol, tes fils au verbe franc, forgeront l'avenir au souffle du présent. Canadien, debout pour le combat, va reconquérir ton Canada. Des tyrans inhumains qui dominent sur lui, juifs et maçons sans cœur embusqués dans la nuit. Dévoile les complots et lève ton flambeau. L'érable et le castor, emblème du drapeau. Ton passé glorieux, la croix de ton clocher, t'impose de proclamer, serviam, je servirai. Abat infâme truc, vampire de l'argent. Abat pouvoir caché du juif et du maçon. La coopérative et la corporation. En gros, Canadiens, son commerce et son champ. Le travail donnera du pain à l'ouvrier. Son or et son argent seront pour son foyer. Canadien, debout pour le combat, va reconquérir ton Canada. Des tyrans inhumains qui dominent sur lui, juifs et maçons sans cœur embusqués dans la nuit. Dévoile les complots et lève ton flambeau. Dérable le castor, emblème du drapeau. Ton passé glorieux, la croix de ton clocher, t'impose de proclamer, serviam, je servirai. Diana, la pierre est grande, montre-nous le chemin que l'Église traça de son auguste main. En nous, elle plaça le céleste dépôt de la foi, de l'espoir, de l'amour du prochain. Il nous faut conserver ce lumineux flambeau et vivre en paix chez nous, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain.